table que le Château Frontenac nous a réservé ce matin. On va déjeuner avec le Bistrot Le Sam, l'un des restaurants du Château Frontenac. On a des VIP ce matin qui se déplacent, qui se sont réveillés. Je pense que ça n'a pas été trop dur là comme motif pour déplacement. Alors, pour représenter le château ce matin, nous avons le chef Thomas Amalfitano du Bistrot Le Sam. Bonjour. Bonjour. Thomas, chef depuis février dernier, début d'année? Ouais, c'est ça, je suis chef depuis janvier au SAM. Mais pas du tout novice en cuisine, là j'ai vu une belle feuille de route, tu as notamment travaillé à la taverne Louise dans le Vieux-Port, dans le port de Québec, proche ouais. En tout cas. ouais c'est ça, je suis arrivé à Québec il y a 3 ans en fait, Wow. J'arrive de Paris, j'ai travaillé deux ans au Louise avec Nicolas. Et ça fait maintenant un an et demi passé que je suis au château. Ça fait depuis un an et demi que je m'occupe du SAM à temps plein. Et depuis janvier, j'ai été nommé chef officiel du restaurant. Alors, faut que tu nous expliques un peu, parce que au Château Frontenac, il y a plusieurs restaurants. Il y a le restaurant Champlain et il y a le bistrot Le SAM. Quelle est la différence? C'est quoi votre mandat au bistrot? Au château, on a effectivement, comme vous l'avez dit, deux restaurants, c'est-à-dire le Champlain, vraiment le haut de cuisine, et on a le SAM, où c'est le fine dining de l'hôtel. C'est-à-dire qu'au SAM, on va avoir une cuisine qui est très... presque une cuisine journalière, où on fait selon le feeling, selon l'humeur de mes cuisiniers aussi, là, beaucoup. Ah oui, ça joue. Oui, parce que selon ce qu'on a envie de travailler, selon le dans le move dans lequel on est ce jour-là, on peut avoir des choses assez intéressantes, voire même assez exceptionnelles. Parce que j'ai quand même la chance au SAM d'avoir pas mal de sous. Un bon budget, ça aide. Ça. On va le Donc, voir. Donc on peut se permettre de s'offrir des produits qui sont vraiment cool. Et surtout d'avoir du produit local, parce que c'est des produits qui sont souvent un peu plus onéreux, parce que c'est fait par des gens comme tout le monde, c'est pas des grosses compagnies, il va cueillir, comme vous avez François ici, il va cueillir ses champignons lui-même, il va faire cueillir par d'autres gens à lui. Maxime qui est là à côté de moi, lui il fait ses pâtes lui-même aussi, donc forcément c'est un artisanat, et c'est la chance qu'on a au SAM, c'est ça, c'est de pouvoir travailler avec ces gens-là. Au quotidien, c'est pas forcément évident pour ces gens-là, parce que c'est des petites compagnies. Moi, je fais quand même 600 couverts par jour au restaurant. Ah oui. C'est quand même le plus bas, c'est le plus gros restaurant de l'hôtel, on va se le dire. Ouais. Donc bon, c'est une bonne ambiance, c'est un restaurant qui est vraiment. On a envie que les gens, quand ils viennent au SAM, ils se sentent comme s'ils étaient à la maison, en repas d'amis ou devant un barbecue le week-end. C'est le principe. Et c'est pour ça que les gens de Québec sont invités à aller au restaurant du Château Frontenac. Tu as parlé de plusieurs gammes. Moi aussi, en tant que cliente, je dois dire, Bistrot Le Sam, c'est une belle porte d'entrée si on n'est jamais allé au restaurant au Château Frontenac, de l'essayer en format bistrot. C'est ce qu'on va expérimenter ce matin. On va parler un petit peu plus avec tes invités aussi, Thomas. Avant ça, j'ai quand même une grosse nouvelle à vous annoncer. C'est le Radioton de CKRL, un événement de financement qui se terminera dimanche à 20h, ce qui veut dire qu'on amasse des sous. Et à 10h, j'ai à mon temps à vous annoncer, je vous rappelle que l'objectif est 50 000 $. Alors à 10h, 14 270 $ pour CKRL. Je pense qu'on peut applaudir tous ceux qui nous ont encouragés jusqu'ici. Les dons, la table de marchandises qui est ouverte, si vous voulez passer nous voir au 405 3e avenue. Les événements VIP ce matin, vous contribuez pour la bonne cause au succès du Radioton de CKRL. Alors, moi, ma spécialité, c'est de jumeler des restaurateurs, des producteurs agroalimentaires avec des artistes de Québec, du Québec. Et ce matin, je suis très contente de recevoir le trio Winterglow, trio de la ville de Québec. Bonjour à tous les trois. Salut. Ils seront en performance aussi pendant l'émission. On a avec nous Chanel Tremblay qui chante dans le groupe qui est au clavier. Franck Caillé, je le prononce toujours bien. Oui, excuse-moi, je me suis trompée. À la guitare. Et William Guadon à la basse. Quel est votre rapport à la nourriture? Dans le groupe, on est des fins gourmets, on est des gourmands, Chanel. Oui, des épicuriens. Oui, carrément. C'est quoi les rituels de spectacle? Vous mangez quel genre de nourriture avant? Il y a un un peu n'importe quoi, je dirais. Bien proche du micro, s'il te plaît. Un peu n'importe quoi, je dirais. On porte pas trop attention à ça, je pense. Oh là là, ça commence. On mange ce qu'on nous offre. Donc ce soir, ce matin, excusez-moi, c'est l'habitude, ils sont là pour savourer le menu du bistrot Le Sam. Est-ce que vous êtes déjà allé? Non. Non? Bon, mais c'est pas grave, ça va être une première. Assez ouais. KRL en plus. C'est un avant-goût. Quand même, quand même. Alors, je pense qu'on pourrait commencer, parce que Thomas, tu es accompagné d'un cuisinier avec toi qui dresse les assiettes spécialement pour nous ce matin. Ouais, je suis venu avec William. C'est l'un de mes premiers chefs. Donc c'est essentiellement avec lui que je travaille beaucoup sur la créativité de nos menus et de nos plats du jour, parce que c'est quelqu'un de très créatif et puis il a un univers culinaire qui est assez particulier, que j'aime beaucoup et qui fit beaucoup, il fit vraiment bien avec l'univers du Sam. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis venu avec lui pour qu'il vous dresse le plat qui va être en dégustation, c'est-à-dire des rigatoni aux champignons, les rigatoni de Max, les champignons de François, et c'est comme ça qu'il est appelé sur notre carte. Très bien, donc ça va être facile à retrouver. C'est ça, c'est vous ne pouvez pas vous tromper si vous venez au Sam. Le plat, il s'appelle les rigatoni de Max et les champignons de François. Oh, comme c'est ça, beau. Je pouvais pas leur rendre un plus bel hommage que ça en faisant mon menu. Bon, on va les accueillir. Donc, François-Xavier Fauque de Chapeau-les-Bois pour les champignons. Bonjour, François-Xavier. Bonjour. Bah oui, applaudissez-les, ils font quand même un beau travail. J'allais dire d'artisan-cueilleur. Les champignons sauvages, mais... Quand il y a un expert en champignons sauvages, c'est toi qu'on appelle. Là, tu t'es vraiment fait ton nom à travers le Québec. Oui, on peut dire que depuis 12 ans, là, Chapeau-les-Bois, on est comme une référence, même au niveau provincial. Mais le chapeau, on en a plusieurs, en fait, avec Chapeau-les-Bois. Le chapeau est grand. On fait la distribution à la restauration. C'est ça qui nous a mis sur la map, qui nous a fait connaître, surtout des chefs. Dans la grande région de la capitale nationale, et puis ça a débordé après ça par le bouche à oreille sur Montréal et d'autres régions du Québec. Puis, mais on se spécialise surtout dans la transformation maintenant des produits forestiers. Donc on continue d'approvisionner la restauration, mais on fait des produits alimentaires. Et puis on a une micro-brasserie maintenant, la micro-brasserie de Chapeau-les-Bois. On l'a appelée la micro-brasserie, j'aime évidemment. J'aime beaucoup le jeu de mots. Ah oui. Parce qu'on brasse des bières avec des produits forestiers et notamment les champignons sauvages. J'avais commencé il y a déjà 8 ans avec la bière La Chaga, qui a été la toute première bière brassée avec un champignon sauvage au niveau commercial, même on peut dire mondialement quasiment. Moi j'étais très fier que ça se passe au Québec parce qu'on a des produits forestiers absolument fantastiques ici. C'est ça qu'on méconnaît peut-être plus d'ailleurs, hein, c'est pour ça que tu t'es invité souvent, parce qu'il faut démythifier tout cet univers-là des champignons. J'ai envie de vous demander votre rapport aux champignons dans le groupe Winterglow. Moi je suis ingénieur forestier, donc je connais bien les champignons. Donc toi ça va, ça t'impressionne pas de goûter de la chanterelle ou Ah non, j'ai déjà tenté, ouais. Plusieurs fois. Franck, tiens. J'aime pas beaucoup les champignons. Mais François, je suis sûr que tu te le fais souvent dire. Ah oui, je me le fais dire très très souvent. Puis en fait, souvent c'est une question du premier contact avec les champignons qui s'est plus ou moins bien passé. Il faut comprendre que les champignons, c'est 90% d'eau. Évidemment, les premiers contacts qu'on a avec les champignons, c'est souvent avec le champignon blanc, le champignon de Paris qu'on trouve à l'épicerie. Si maman ou papa ont fait cuire les champignons dans une poêle qui n'était pas chaude, qui était lodée de champignons, ça a cuit dans son jus, dans son eau, ça n'a pas un très bon goût, ça n'a pas une très belle texture, je comprends que ça puisse être rébarbatif pour certaines personnes. Mais je te garantis que si je te fais cuire des champignons blancs comme ils se doivent, d'être cuit un petit peu comme un steak, c'est-à-dire on caramélise, il faut avoir la réaction de Maillard pour les champignons, c'est ce qui donne le goût, hein. Parce qu'un champignon cru, ça n'a pas tellement de goût, c'est comme de la viande crue. Alors quand on fait un tartare de viande, on assaisonne plein de choses, mais quand on fait des champignons, si on les mange crus, on assaisonne, mais si on les fait cuire, on les fait cuire comme un steak, on fait une belle caramélisation, avoir de la mâche, et là tu vas trouver que les champignons, c'est pas mal sur la coche, là. Non seulement c'est pas mal sur la coche, mais c'est très bon pour la santé. De surcroît, les champignons sauvages, ils ont des apports nutraceutiques et des apports aromatiques qui sont absolument exceptionnels. Là, on est en hiver, donc là, présentement, c'est des champignons de culture qu'on a sur la table. C'est une initiative qu'on a eue cette année pour le SAM, On fait des boîtes, nous, qu'on appelle les mycopousses depuis 5 ans maintenant, qui permettent aux gens de faire pousser des champignons à domicile. Et on a décidé d'en faire profiter le SAM, donc nos productions de champignons. Maintenant, on en a fait tout l'hiver là pour en amener à Thomas et puis son équipe pour qu'ils puissent les travailler. Alors voilà l'histoire des champignons que vous avez sur la table présentement. La cueillette s'en vient pour les champignons de saison sauvage. On va commencer avec la morille dans à peu près 3 semaines, là, ça ne devrait pas tarder. Et puis après ça, ben, la saison va se dérouler comme chaque été, on espère, avec beaucoup d'abondance. Mais d'ailleurs, c'est ça, on a des champignons sur la table ici à CKRL que les gens peuvent admirer. Dommage si vous n'êtes pas là et que vous êtes sur le bon poste. J'aimerais juste dire à Thomas, ça c'est particulier autant pour les pâtes dont on va parler que les champignons. Ce sont des exclusivités pour le Château Frontenac que vous travaillez avec les producteurs. Hein. Oui, en fait... Le truc, c'est que moi, quand j'ai fait ma carte cet hiver, je connaissais déjà François, je travaillais déjà avec lui au Louise. J'avais déjà aussi un petit peu travaillé avec lui au château. Et quand j'ai fait ma carte, je voulais avoir une pâte aux champignons, parce que je voulais travailler avec Maxime et ses pâtes. Donc j'ai appelé François, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de mettre des pâtes aux champignons sur ma carte pour cet hiver. C'est pas la saison, je le sais, mais est-ce que on pourrait s'organiser de quoi pour que je puisse avoir des champignons tout le temps? Et à ce moment-là, tu sais, je vais en profiter pour faire la promotion de Chapeau les Bois au SAM. Mmh. Puis il est venu me voir, on a jasé comme on fait à chaque fois qu'il vient me voir. Puis il m'a dit, bon, écoute, moi je peux te faire pousser ça comme champignons. Je peux t'en faire pousser au maximum tant de livres que je pourrais te livrer par semaine. J'ai dit ok, bah alors on y va, c'est parti. Et depuis janvier, décembre, janvier? Oui, à peu près, on a commencé là juste après Noël d'approvisionnement. Je tiens à dire que les champignons, les mycéliums, ils sont produits par nos amis de La Botte avec qui on travaille maintenant depuis 2 ans. C'est eux qui nous font les sacs de mycélium qu'on pose dans nos boîtes de mycopousses. Avant, je me fournissais sur Montréal, mais là, j'ai décidé d'y aller avec eux. C'est un produit local des gens de la place. Et puis, on s'entend bien. Donc, là, présentement, c'est eux qui nous font la collaboration là, de nous faire les mycéliums pour la pousse des champignons. Intriguant, impressionnant. On va parler rigatoni maintenant avec Maxime Hamel de Pasta Shop Stonham. Bonjour Maxime. Bonjour, bonjour. Oh oui, applaudissez-le, lui aussi. Parce qu'il, avec son entreprise, il crée des pâtes fraîches artisanales. Oui, absolument. Alors on va briser le mythe tout de suite. Pourquoi pâtes fraîches artisanales versus pâtes industrielles qu'on achète à l'épicerie? Pourquoi c'est aussi sacré, Maxime? Ben pour plusieurs raisons. La première, c'est surtout le goût, évidemment. La pâte fraîche goûte pas pareil comme la pâte sec industrielle. Évidemment, ça dépend de la recette qu'on fait. Moi, je travaille beaucoup avec les œufs, en fait, la farine bio, locale, avec des œufs entiers. Donc ça amène vraiment une belle texture, un bon goût aux pâtes. Donc, évidemment aussi, en encourageant un producteur artisan locaux, ben, on encourage l'économie locale aussi, donc ce qui est quand même intéressant aussi. Donc, c'est ça, c'est une belle différence quand même. Les rigatoni aux champignons peuvent commencer à être préparés. Là, je sais qu'il y en a qui voilà, les babines, là, ça y est, à l'intérieur, c'est un peu humide. Mais alors, Maxime, grosse question aussi, qu'est-ce que des rigatoni? Est-ce qu'il y en a qui savent, là, dans le public, c'est quoi la forme? Non, bah, non, y en a un on qui connaît triche, le nom, hein, là. Mais on se souvient du nom, mais on ne sait pas c'est quoi la forme. C'est ça. Alors, c'est souvent ça avec les pâtes, hein, y a tellement de formes différentes, de noms. Ça finit souvent en i. Hein, c'est toujours oui. Des pâtes qui finissent en i. Donc, mais les rigatoni, c'est un tube. En fait, c'est une pâte en forme de tube. Donc, il y a plusieurs formes disponibles. Il y a des petits rigatoni. Il y en a des géants. Donc, ça dépend vraiment. Il y a plusieurs formes disponibles. Mais donc, pourquoi le choix de la forme est si important? A priori, on pourrait se dire, bon, c'est plus de la fantaisie, mais est-ce qu'il y a un jeu sur le goût? Il y a une différence. Ben, pas sur le goût, parce que ça, au final, c'est toujours la même recette qu'on utilise. La forme, par exemple, elle va jouer beaucoup sur la texture en bouche. Donc, le rigatoni, évidemment, il y a un trou au milieu, donc la sauce va s'insérer dans le milieu. Les petites garnitures qu'on peut mettre dans les pâtes vont aller dans la pâte. Donc, évidemment, un spaghetti ou un... Tu sais, on n'a pas la même texture. À chaque forme de pâte, ben, il y a vraiment une texture donc différente. Donc, on peut faire plusieurs applications différentes pour avec plusieurs formes. Là. Et tu donnes aussi des ateliers. D'ailleurs, j'ai vu au Pasta Shop, je devrais dire comme ça. Oui, okay. À la Pasta Shop. C'est bon, j'aime ça. Pour les gens qui veulent faire leur propre pâte artisanale. Oui. Ça a eu beaucoup de succès. J'ai vu que c'était complet jusqu'au mois de juin. Ouais. Ouais, ben, on n'a pas une grosse capacité d'accueil pour les participants. Donc, moi, je donne toujours environ 6 ateliers par saison. Donc, là, les prochaines vont aller à l'automne. Donc, nous, c'est une belle façon aussi, quand il y a un petit creux aussi dans l'entreprise, ben, on commence. Tu sais, quand les restaurants commandent un petit peu moins, puis un petit peu moins de clientèle en boutique, ben, on essaie de continuer nos activités en faisant des ateliers comme ça là, dans notre cuisine. Winterglow, est-ce que vous avez l'eau à la bouche en entendant tout ça? Oui, c'est quand qu'on mange? Ouais, là, c'est en train de servir. C'est ça, on parle trop. Ouais, la bière aux champignons, tu peux commencer, Isabelle. Mais en fait, ouais, on va vous servir. Puis Winterglow, on veut vous entendre en musique. Alors, je vous propose que vous alliez vous installer pour nous interpréter l'une de vos chansons. Pendant ce temps-là, le public VIP ici est en train de se faire servir. On va aussi déguster un peu plus tard de la bière aux champignons parce qu'on a parlé de micro-brasserie de Chapeau-les-Bois. Et je vous rappelle, si vous voulez faire un don à CKRL, c'est le moment, hein. CKRL.qc.ca, vous avez accès à l'encan de CKRL, vous avez accès à faire un don tout simplement, mais l'encan c'est quand même intéressant pour toutes les contreparties que vous pouvez avoir. Vous faites un don à CKRL et en échange vous vous offrez un très très beau cadeau, que ça soit bien-être, santé, plein air, etc. Donc vraiment, allez miser, c'est le moment d'encourager Radio Locale qui vous offre des événements uniques. Alors pendant que le public savoure, je vous demande une bonne main d'applaudissements pour Winterglow. Le Radio-Temps vous est présenté par les partenaires majeurs suivants. La Boîte à Pain, la Korrigan, le Bal du Lézard, Audiolight, les cinémas Le Clap et l'hôtel Château-Laurier. Allô, ici Salomé Leclerc, vous écoutez CKRL et je vous encourage à donner généreusement pour le Radio-Temps. Les nuits seront longues, des secondes. La pharmacie Uniprix, Nancy Champagne et Maud Amel de Limoilou est fière de s'associer au Radioton de CKRL et de l'Encan Interactif. En prévision de la saison estivale, nous vous invitons à venir découvrir nos produits, entre autres, notre sélection de crèmes solaires pour tous les types de peau afin d'être bien protégés. Notre équipe sera vous conseiller selon vos besoins. Uniprix, Nancy Champagne et Maudamel Limoilou, 88-523-1000. Au plaisir de vous rencontrer. Du 15 au 18 juin, rendez-vous à Tadoussac pour la 39e édition du Festival de la chanson, présenté par Québec Or. De Ariane Roy à Vulgaire Machin, en passant par les Sœurs Boulay ou Gab Bouchard, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi et viens profiter du seul festival où tu peux écouter des baleines la journée et des concerts le soir. Billets et passeports sur chansontadoussac.com. On se voit où? On se voit à Tadou. Depuis 30 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier. 99 boulevard Bastien-Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734. Pédalier.ca. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. L'encan continue et se poursuit. Vous pouvez miser tout au long du week-end quand vous le voulez. Depuis plusieurs années maintenant, c'est aussi disponible en ligne sur le site ckrl.qc.ca, ce qui fait que vous pouvez même miser à 2h59 du matin si vous avez envie. Tu fais ça, toi, Louli? En fait, non. Ouais, je regarde les lots, mais les mises sont... Qu'est-ce que tu disais? Loli, novice en radio, puis parlait loin du micro. Oui, donc tu disais? Non, je ne fais pas ça. Très bien, réponse claire et concise. C'est vrai, surprenant, on fait une petite parenthèse, Michel, on a l'habitude, nous, des micros, puis voilà, c'est un réflexe de prendre le micro devant ouais, quand tout à on fait. Parle, ouais, mais ouais, ouais. Il va falloir acquérir ce réflexe. Ce sera le lot numéro 101, leçon de radio avec Louli. Sinon, nous pouvons parler Poils et Plumes. C'est une boutique à Québec qui vous propose de prendre soin des animaux de façon véritablement sur mesure. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans cette boutique, mais on est déjà, ça arrive souvent qu'on soit accueilli, puis qu'il y a un pitou tout mignon à l'entrée, mais qui n'est pas toujours le même. En fait, c'est que les employés ont le droit d'apporter leurs animaux à job. Ouais. Eh ouais, wow. C'est le fun. Non, il y a vraiment une véritable amour des animaux. Si vous voulez autre chose que, comme le dit Mathieu, qui est en boutique aujourd'hui, autre chose que du fast-food pour vos animaux. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ils sont vraiment là pour prendre soin de vos plumes et de vos poils. Voilà. Donc, allez-y. Et puis donc, grâce à l'encan de CKRL, on a de quoi gagner combien? C'est quoi le certificat cadeau? Donc, c'est un certificat cadeau d'une valeur de 100$ qui est à seulement 80$ en ce moment. Donc, encore inférieur au prix de la valeur. Oh, très bien. Bah, rendez-vous sur le site ckrl.qc.ca. Très rapidement aussi, alors peut-être on va regarder ça pour juste après parce qu'il nous reste 10 secondes, on n'aura pas le temps. Mais si on fait une petite annonce, on va parler de Martin Picard, c'est ça? Exactement, le chef du pied de cochon. Très bien, on en parle d'ici quelques secondes. Vous restez avec nous, vous restez scotché à votre poste, on revient dans pile 2 minutes. Ce Radioton vous est présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale Nationale. Sozanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée Nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée Nationale. Julie Vignola, députée fédérale Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député fédéral de Québec. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz fusion et du funk en programme double. Alain Caron, géant québécois de la basse entouré de 8 musiciens, présente un projet musical inédit où le groove est à l'honneur. Mark Lettery, guitariste virtuose, défend son plus récent album nommé pour un Grammy. Le 5 mai, Alain Caron et Mark Lettery Group en exclusivité au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. Grâce à Poils et Plumes, votre animal de compagnie se sentira heureux. Poils et Plumes, une animalerie de quartier, vous offre de la nourriture pour votre chien, chat, vos oiseaux et rongeurs. Des accessoires pour l'hygiène de votre animal, de la litière agglomérante d'argile et bien plus. Vous recherchez une nouvelle diète pour votre chien ou chat? Chez Poils et Plumes, retrouvez les produits From, Boréal, Go et bien d'autres. Un service de livraison local. Poils et Plumes, des conseils à profusion par des gens d'expérience et passionnés. 569 3e Avenue à Limoilou et 770 rue Saint-Jean. Suivez-nous sur Facebook. La Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec vous offre 4 salles en location qui vous permettent de tenir vos rencontres en présentiel, en virtuel ou les deux à la fois. Elles peuvent accueillir de 10 à 100 personnes et ce, 7 jours par semaine. Disposition modulable, plafond haut, proximité des transports en commun, parc à vélo intérieur, stationnement facile et Wi-Fi. Pour plus d'informations ou pour faire votre réservation, visitez mazon.coop. Les amateurs de gastronomie connaissent nécessairement le nom de Martin Picard, mais simplement peut-être les téléspectateurs aussi, puisque c'est aussi la vedette d'Un chef à la cabane, n'est-ce pas? Et justement, il fait partie, alors on va pas vous offrir Martin Picard dans l'encan, je pense pas que ce soit prévu comme ça, c'est à réfléchir pour l'année prochaine. Ah oui, pourquoi? Ouais, bah, et ça serait le fun, ça t'imagine, il vient cuisiner chez vous? Original. Hey, j'aime ça. Cependant, on peut entièrement remplir les placards là, avec de la nouvelle vaisselle, parce que justement, l'encan propose un lot de vaisselle. Exact. Donc, une assiette de service, un coffret de verre à vin blanc et un coffret de verre à vin rouge. Tout ça de la collection Marc Séguin. Oh, excellent. Une valeur de 600 $ quand même, wow, pour quand remplir... OK. Puis là, la mise actuelle est à combien? Seulement 250 $. OK. Fait que là, pour 250 $, je suis comme en bas de la moitié de la valeur. Je peux avoir un set de vaisselle qui vaut 600 $. Un set de vaisselle incluant les assiettes et les coffrets de verre de vin. Excellent. Ça, c'est le lot numéro 9. Rendez-vous exactement sur ckrl.qc.ca pour aller tout de suite voir les détails, les photos et bien sûr pour miser naturellement. On reste un peu dans le domaine culinaire parce que la vaisselle c'est bien, mais il faut avoir de quoi mettre dedans. Si on parlait champagne, Le Grand Cru, un champagne Victoire Brut Prestige de la maison GH Martel. Ok, très bien. C'est d'une valeur de 90 $. Et la mise actuelle est de 75. Excellent, j'aime ça quand les réponses sont claires et concises. Rendez-vous sur le site ckrl.qc.ca pour en savoir plus là-dessus. Et puis, on a aussi un autre type de lot. Cette fois-ci, peut-être plus à la destination de ceux qui ont une boutique ou une business. Parce que là, il s'agit de faire de la promotion grâce au réseau Mon Quartier Québec. Oui, absolument. Le forfait publicitaire va sur différents sites, donc Mont-Limoilou, Mont-Saint-Roch, Mont-Saint-Sauveur. Donc, une valeur de 590 $, aucune mise. Donc, vous pourriez être les premiers à miser, donc avoir au moins cher possible en ce moment. Exactement. C'est-à-dire 250 $ pour avoir la publicité sur monquartier.québec. Très bien. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca pour en savoir plus et découvrir les 100 lots d'encan qui sont disponibles jusqu'à demain soir. Les projets inachevés ne se régleront pas seuls. Il y en a trois qui m'obsèdent particulièrement. Trois courts-métrages qui sont restés figés à l'étape du montage. Quand je tente de les regarder en face, je vois un mur gigantesque. Pour moi, chaque tournage est une thérapie. L'important, c'est de la faire, de la montrer, puis d'apprendre de quoi de ça. On est tellement dans le résultat, puis dans la finalité des choses. Le cinéma, c'est d'abord humain. C'est ça l'œuvre d'art, en fait. Le documentaire David contre Goliath de David Béricard en salle dès le 5 mai. Écoute-moi, écoute-moi. Ici Paul André et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radioton. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. Bonsoir, excusez-moi, c'est l'habitude d'animer en soirée. Bonjour, cher public VIP de CKRL, ça va? Ils peuvent moins applaudir parce qu'effectivement, ça mange. Je vous rappelle, déjeuner avec le Château Frontenac jusqu'à 11h30. Écoutez, chers auditeurs, je sais, c'était limité à 12 places. C'est complet ce matin. Ils sont vraiment chanceux de vivre non seulement un spectacle de Winter Glow et en plus la dégustation que nous propose le bistrot Le Sam du Château Frontenac ce matin. Mais vous êtes au bon poste, on va tout vous décrire pour que vous ayez envie à votre tour de manger au bistrot Le Sam. Alors, moi je veux un grand verdict là. Franck, j'espère que tu as bien dégusté les champignons, Franck de Winter Glow, parce qu'il nous a dit en partant, je n'aime pas beaucoup les champignons. Puis là, on a eu François qui a fait son plaidoyer pour la cause, hein, François-Xavier de Chapeau-les-Bois, qui est cueilleur de champignons sauvages. Verdict, Franck. Je suis un homme nouveau. Oh mon Dieu. Mais honnêtement, oui, c'est très bon. C'est comme, quoi la surprise, vas-y? Ben, tu sais, d'habitude, c'est la texture que j'aime moins dans les champignons. Ouais. Puis j'adore, c'est vraiment bon. La texture ne me dérange pas, le goût est très bon. Ouais. Un homme nouveau. Merci, merci. Oh, j'aime cette phrase, bravo! François-Xavier, j'imagine que ça te fait plaisir d'entendre ça. Ça me fait très plaisir, puis je partage le compliment avec Thomas. Parce Chef que Thomas. La manière de les cuisiner, je l'ai dit tantôt, c'est là que ça se passe. Oui. Tout le secret est dans la cuisson, effectivement. Chanel, tiens, toi, t'as la version sans lactose, puisque tu es allergique au lactose. Ah, oh, c'est bon tout le temps. C'est pas compliqué. Donc, t'as pas de crème, finalement, hein, c'est ça, Thomas? Oui, c'est ça. En fin de compte, elle a juste pas de crème de parmesan. Ah, mais c'est super. Moi, je suis comblée. Champignons, ça fait sa job aussi. On a un homme conquis et une femme comblée. Oh, c'est beau. C'est merveilleux. J'imagine Thomas Amalfitano, je rappelle, chef au bistrot Le Sam. C'est le meilleur compliment qu'on peut avoir en tant que chef. La satisfaction des clients. Exactement. C'est ce que je dis souvent. C'est ce que je dis souvent aux nouveaux arrivants de... au château ou même à mes cuisiniers qui sont là, c'est parce que nous, au SAM, on a une cuisine ouverte. On est au milieu du restaurant. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel client qui mange au SAM va nous voir travailler. Donc, souvent, moi, je suis pas forcément sur la ligne à cuisiner avec mes cooks pendant le service, mais je suis là de l'autre bord du pass pour gérer l'envoi et puis gérer le flux et puis tout ça. Mais, l'avantage qu'ont nos clients, c'est qu'ils peuvent à n'importe quel moment venir nous voir, nous dire, écoutez, c'était bon, ou nous dire que c'était pas bon aussi. Ils peuvent nous faire tous les commentaires qu'ils veulent à n'importe quel moment. Et ça arrive quand même relativement souvent que les gens, quand ils ressortent du restaurant, vu qu'ils passent devant la cuisine en ressortant, ils tapent sur le marbre, puis ils disent, hey, merci les gars, c'était super, on a passé une super soirée. Et ça, effectivement, bah, c'est le meilleur compliment qu'on puisse avoir en tant que cuisinier. Parce que souvent, on est caché, hein, on est caché dans notre cuisine en arrière, là. Personne ne sait comment ça se passe. Là, les gens le voient en live, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'arrêtent, ils prennent des photos, ils filment, puis ils voient en direct comment le plat que vous avez ce matin, il est conçu. C'est magique. Moi, je trouve ça magique. Ben oui, vraiment, le contact et les barrières qui tombent. François-Xavier, pour les gens qui sont là ce matin avec nous à CKRL, on a un accord bière exclusif parce que c'est ici qu'on le déguste seulement. Parle-nous de la bière qui est servie, qui est aux champignons d'ailleurs. C'est la chanterelle. La chanterelle qu'on appelle la girole. C'est une bière qui est faite avec vraiment sur l'arôme la chanterelle fraîche. Qui a une petite amertume légère qui est très bien en accord avec des plats justement. En fait, l'amertume, faut savoir que c'est l'amertume du champignon et non pas l'amertume du houblon qu'on a dans cette bière-là. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, des fois, de travailler plusieurs aspects qu'on peut retrouver dans une bière. On peut aller rechercher avec les arômes des champignons ou les goûts et c'est vraiment intéressant de travailler ça. L'accord avec toutes sortes de plats de champignons, la chanterelle, c'est vraiment parfait, là. Maxime, j'imagine les pâtes aux champignons, tu étais en train de déguster. Tu peux nous donner tes impressions. Hein? Délicieux. Tu ne manges pas de pâtes, mais tu bois la bière. Oui, absolument. Mais écoute, les champignons, c'est partout, partout. Dans la bière, dans la bouffe. C'est tellement bon. Là. Incontournable. Vraiment. Maxime Hamel de la Pasta Shop Stoneham, je le rappelle. Oui, oui. Tu nous disais, moi, j'en mangerai pas des pâtes ce matin, parce que j'en mange toute la semaine. Ah, toute la semaine, matin, midi, soir. À force d'en faire artisanalement, oui. La tentation est toujours là. Oui, bien souvent aussi, on travaille vraiment, vraiment beaucoup à la Pasta Shop. On travaille fort, on travaille vite. Donc, c'est souvent, qu'est-ce qu'on a sous la main, c'est des pâtes. Donc, souvent, on se nourrit pas mal de ça à la Pasta Shop. Donc, mais on se tente jamais, évidemment. Moi, ça fait 2 ans qu'on existe. Ça fait 2 ans que je mange des pâtes chaque jour. Au moins, peut-être 2 fois par jour, des fois, mais on se tente jamais. Il y a tellement de façons de travailler des pâtes. Il y en a de toutes les sortes, vraiment, là. Je vois que William du groupe Winterglow a déjà terminé son assiette, hein. Je pense qu'il a des choses à dire aussi. Rapproche-toi parce que je pense que le fil se rend pas. Oui, alors c'était excellent. Bravo, j'ai adoré, j'ai dévoré. Mais ingénieur forestier quand même, c'était drôle quand t'as dit ça, moi je connais ça, les champignons. Là, est-ce que tu les cuisines pour autant ou pas? Très peu, je dirais, oui. Ça c'est une idée, je pense une recette bon, assez simple. Je veux pas dire que je suis capable de faire ça chez moi, mais quand même, je peux essayer à la maison, là, Thomas. Ah oh, oui, oui, oui, c'est complètement le principe en fin de compte. C'est que une pâte aux champignons, n'importe qui chez lui peut se faire des pâtes aux champignons. Il n'a pas besoin forcément d'avoir des pâtes fraîches, même si c'est meilleur avec les pâtes fraîches, on s'entend là, parce que ça, le goût il est là et puis la texture elle est là, c'est vraiment différent. Mais c'est quelque chose que n'importe qui peut faire chez lui, c'est-à-dire cuire des pâtes, cuire des champignons, faire une crème de parmesan. Là, nous ici, on l'a fait avec une crème de parmesan, vin blanc, parmesan, crème, et etc. Mais vous pouvez très bien juste mettre du parmesan dans vos pâtes à la fin, dans les pâtes chaudes, le parmesan va fondre, ça va être correct, ça va être parfait. Donc, c'est un plat de monsieur, madame, tout le monde, tous les jours. Et c'est facile, c'est simple, c'est ça la cuisine en vrai c'est ça. C'est... La beauté de la chose, d'essayer, surtout de pas avoir peur d'essayer. Maxime, qu'est-ce qu'il faut le plus démythifier par rapport aux pâtes, où on a parlé des pâtes artisanales, les faire à la maison, ça vaut la peine ou on est mieux? Ben ça vaut la peine dans le sens que c'est une activité qui est vraiment, tu sais, c'est le fun à faire des pâtes honnêtement là, tu sais, si vous avez des enfants ou en couple, entre amis, en famille, vraiment on s'installe, puis parce que souvent la première fois c'est toujours pas mal un échec, donc c'est toujours très drôle. En fait, on mange quelque chose qui est très comique quand même. On va se le dire, d'accord. C'est souvent très, très... C'est pour ça qu'on donne des ateliers, d'ailleurs, pour vraiment donner la technique pour faire les pâtes. Mais tu sais, maintenant, on a tellement d'options sur Internet. On peut voir des vidéos, comment on fait ça. Donc, c'est très facile de faire des pâtes, honnêtement. Et maintenant, les pâtes, est-ce que c'est pas seulement italien? On pense souvent pâtes à Italie, tu sais, tous les classiques italiens qu'on peut avoir. Mais moi, j'aime ça à l'ailleurs. J'aime ça faire des raviolis au chili con carne, des raviolis. On peut aller dans n'importe quelle direction avec des pâtes, vraiment. Donc, on peut sortir un peu de l'Italie et aller dans d'autres directions avec qu'est-ce qu'on a autour d'ici, des champignons locaux, tous les beaux produits locaux qu'on a autour de nous. Faire des fusions. Donc. Faire des fusions, exactement. Donc, vraiment sortir du cadre classique qu'on connaît. Là. François-Xavier de Chapeau-les-Bois, je sais que tu dois partir dans pas long à Longueuil justement pour donner un atelier ou une conférence en fait, sur les champignons. Dégustation. Dégustation, ouais. Bon, on enchaîne. François-Xavier, tu nous laisses quand même deux bières qu'on va déguster dans quelques instants ici à CKRL avec les planches du SAM. Ce sont des planches charcuterie, fromage et bien d'autres surprises. Oui. Parle-nous des deux bières que tu nous laisses avant de partir. La bière, c'est la Matsutake, la blanche, donc le champignon argenté que vous avez sur la bouteille. C'est un champignon qui est mythique vraiment au niveau de la gastronomie, le Matsutake. On appelle le tricolome à grand voile en fait son nom en français. Matsutake est connu mondialement sous ce nom-là parce que c'est une religion au Japon, ce champignon-là. C'est même plus cher là-bas que la truffe qu'ils importent là. C'est pas achetable. C'est vraiment pour les gens qui sont très fortunés, le Matsutake. Et nous, on a la chance de pouvoir en cueillir ici la même génétique que celle qui est réputée au Japon, le Manivellare. Et c'est un arôme absolument fantastique qui donne une signature un peu vin blanc sauvignon sec au niveau de la bière. Et puis l'autre bière qui est en train d'être servie, c'est la Crick de cette année. Alors la Crick, c'est une recette belge habituellement qui est faite sur des bases de gueuse ou de lambic, qui sont des bières très surettes. Et après ça, on rajoute de la cerise griotte qui vient encore ajouter de l'acidité. Moi, comme j'ai un peu de mal avec les bières trop acides, j'ai fait ça sur une base un petit peu de lager. Donc c'est du grain qu'on utilise pour faire des lagers, pas très acidulé. Et puis c'est le fruit et l'aronia et la cerise qui viennent ajouter le petit côté acidulé à la bière. Et je l'ai travaillé cette année avec une levure de champagne. Donc une fermentation haute plutôt qu'une fermentation basse comme les levures de lager qui demandent beaucoup de temps et une température très basse au niveau de la fermentation. Alors on déguste ça ce matin à CKRL, mais on retrouve les bières chez Chapeau-les-Bois. On est sur Saint-Vallier, on est en train de réinstaller notre terrasse, donc tout l'été vous pouvez venir boire de la bière, manger aussi parce qu'on fait de la restauration, on a toutes sortes de plats avec les champignons qu'on propose, que ce soit une omelette, un risotto. On a des chipolatas aux champignons, dont certains d'ailleurs sont servis au château depuis quelques années. Notre chipolata au lactère à odeur d'érable notamment, qui est vraiment spectaculaire parce qu'il y a un arôme d'érable qui se dégage de ces saucisses-là, mais il n'y a absolument aucun érable dedans et il n'y a pas de sucre surtout. Donc on travaille l'arôme du sucre d'érable, qui est la molécule, c'est le sautolon. On le travaille sans avoir de sucré dans l'assiette, et ça, c'est très intéressant. François-Xavier Fauque de Chapeau-les-Bois, retenez bien le nom si vous voulez prolonger l'expérience avec les champignons. Un grand merci d'avoir été avec nous. Je vais te laisser voguer vers Longueuil. Merci beaucoup, et puis très bonne fin de dégustation et puis je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Merci François-Xavier. On peut l'applaudir et là, les explications vulgarisées du champignon, on aime ça. Winterglow, je pense que c'est déjà le moment de vous faire rejouer. On va parler plus en détail de qui vous êtes, d'où vous venez, de sur quoi vous travaillez en ce moment. Donc, je vous laisse vous installer. Pendant ce temps-là, cher public, dégustez les bières qu'on vient de vous servir de Chapeau-les-Bois. Et dans quelques instants, les planches du bistrot Le Sam. Un avant-goût, Thomas, de ce que ça représente, les planches au bistrot Le Sam au Château Frontenac? Un avant-goût, ben, je peux vous le dire effectivement, mais le gros avantage du SAM, c'est que les planches qu'on fait au SAM, elles sont toujours plus ou moins sur mesure. C'est-à-dire que on a des planches sur notre carte, effectivement. On a les planches des deux fromages, trois charcuteries, deux charcuteries, les grandes planches, les planches mixtes, les planches dégustation. Où ça, on met pas mal la même chose dessus tout le temps. Mais là, les planches que je vous ai fait aujourd'hui, en fin de compte, c'est un mix de toutes ces planches-là. Et c'est des planches qu'on fait au SAM. Et ça, je vous partage une exclusivité aujourd'hui, là, quand même. Ouh, on aime ça. C'est que c'est des planches qui sont écrites nulle part. C'est un concept que j'ai mis en place il y a pas très longtemps, en fin de compte, parce que j'ai fait ça pour des amis. Et j'appelle ça la planche du chef. C'est-à-dire que vous débarquez au SAM, vous nous dites, écoutez, on est une gang de 8 personnes, on ne sait pas trop quoi manger. Est-ce qu'on peut nous faire un mix, une planche de tout ce qu'on a. Et à ce moment-là, on débarque sur la table avec une grande grande planche et on vous met tout le stock qu'on veut dessus. Oh. La seule chose, c'est qu'il faut me faire confiance. c'est peut-être des fois l'inconvénient, mais souvent ça marche et c'est ça. On va détailler plus en... Là, on te fait confiance, mais on va détailler tout à l'heure. Je vous demande encore une bonne main d'applaudissement pour Winterglow qui nous accompagne ce matin pour ce déjeuner. Thank you. tonnes d'applaudissements pour les percussions de Miguel. Merci beaucoup. La prochaine chanson s'appelle Human Ways. C'est la chanson la plus douce de notre répertoire. Le message de cette chanson, en fait, elle vient du fait que j'avais une amie qui vivait des moments difficiles. Puis le message, en fait, c'est qu'on peut être qui on veut, puis ça va bien aller. C'est la morale. Dernière chanson, donc je prends le moment encore une fois de remercier CKRL de nous avoir invités. Visitez notre encore interactif sur le site ckrl.qc.ca. Cliquez sur la fenêtre Radio-Temps pour miser sur un de nos 100 lots. Vous avez jusqu'à dimanche 20h. Bonne chance! Partenaire majeur du Radio-Temps de CKRL, l'hôtel Château-Laurier est un établissement 4 étoiles situé au cœur du Vieux-Québec, à deux pas de la Grande Allée, des plaines d'Abraham et du fleuve Saint-Laurent. Pour des vacances mémorables et des réunions d'affaires réussies, Hôtel Château-Laurier est heureux d'héberger les artistes du Radio-Temps. Hôtelchâteaulaurier.com. Je ne connais pas le nom de toutes les fleurs. Salut, c'est Viviane Audet. CKRL est en plein Radio-Temps. Donc, c'est temps de faire vos dons ou bien de devenir membre. Soyez donc généreux. Je veux du feu dans mes cheveux, cuire de la menthe au soleil. Je ne connais pas le nom de toutes les fleurs. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radio-Temps 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Et petite incursion dans votre déjeuner musical avec la complicité du Château Frontenac. Jesse Caleb et ses invités sont de retour en ondes d'ici quelques minutes, mais juste avant, nous continuons de mettre en avant ce que l'encan de CKRL vous propose à l'occasion de ce Radioton 2023, peu après les 50 ans de CKRL. Et là, on va parler musique cette fois-ci. Louli, qui est ma complice dans la présentation de ces lots d'encan, mais un autre style de musique. En effet, la musique de chambre à Sainte-Pétronille, un abonnement double pour les 6 concerts de la programmation. OK, qui auront lieu à l'été prochain. Et justement, c'est Marc Roussel qui va nous faire une très, très rapide présentation de deux de ces dates. Tout d'abord, le 29 juin, le concert 40e anniversaire. Les artistes spécialement choisis pour l'occasion se réunissent autour de notre directeur artistique, le pianiste Marc Roussel, pour vous offrir un événement riche en émotions. Le 6 juillet, le pianiste Michel Franck, un des musiciens d'ici les plus appréciés et admirés, dans un récital très attendu en tant que soliste. Donc un festival à suivre l'été prochain sur l'île d'Orléans. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca pour peut-être miser sur cette passe qui vous permettra de profiter finalement de tous les concerts du festival, c'est ça? Exactement. Une valeur de 390$. Oh, quand même. Et la mise actuelle est à? 195$. OK, belle économie encore. On a dit que c'était le lot numéro 1, le premier. C'est bien ça? Exact. Parfait. C'est facile, allez miser sur le premier. On change complètement d'univers aussi avec cette fois-ci le studio. On pourrait croire que c'est un studio de musique, mais non, c'est un studio de soins Elisa qui propose de prendre soin, de se faire chouchouter, papouiller, frotte-frotter, tout ce que vous voulez. Effectivement, il propose un certificat de 100$ pour un soin du visage. Oh, très bien. Et la mise actuelle est de? 70$. Très bien. Là aussi, encore quelques économies peut-être à faire pour miser. On va sur quel site internet, Loli? Sur CKRL. .QC. .ca. Exactement. Bonjour à toutes et à tous, ici Jean-Yves Duclos, député de Québec. Merci pour ce beau moment de partage sur les ondes de la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Une radio qui met en valeur notre communauté à travers des idées créatives, de l'animation culturelle et de l'information critique et pertinente éclairant de nombreux regards sur l'actualité et la société. Une radio qui se veut indépendante, multiculturelle, diversifiée et inclusive de toutes et de tous et de tous les groupes communautaires. Une radio composée d'une équipe talentueuse, engagée et déterminée. Une radio dont on est fier. Merci et bon Radioton. Du 10 au 13 mai, la troupe de théâtre Les Grands Enfants vous présente Hortense a dit « Je m'en fous », suivi de Tailleur pour dames, De Vaudeville de Georges Feydeau, dans une mise en scène de Sylvain Perron. Les représentations ont lieu à la Polyvalente de l'Ancienne Lorette, du mercredi au samedi, 20h, et le samedi après-midi, à 15h. Les billets sont au tarif de 22$ ou 18$ pour étudiants et disponibles sur lesgrandsenfants.com. La pharmacie Uniprix, Nancy Champagne et Maud Amel de Limoilou est fière de s'associer au Radioton de CKRL et de l'Encan Interactif. En prévision de la saison estivale, nous vous invitons à venir découvrir nos produits, entre autres, notre sélection de crèmes solaires pour tous les types de peau afin d'être bien protégés. Notre équipe sera vous conseiller selon vos besoins. Uniprix, Nancy Champagne et Maud Amel Limoilou, 88-523-1000. Au plaisir de vous rencontrer. L'Encan CKRL se poursuit jusqu'à demain soir avec pour vous la possibilité de miser sur une centaine de lots en tout. Et nous allons en évoquer quelques-uns avec ma complice Louli. On parle de la librairie Pantoute qui est partenaire du Radioton de CKRL aussi. Oui, ils offrent un certificat cadeau d'une valeur de 100$. Ok. Donc là, avec ça, on va pouvoir profiter de n'importe quoi dans la librairie Pantoute. Exactement. Très bien. Ça, c'est le lot numéro 30. Excellent. Et puis, puisqu'on reste dans la thématique littéraire, on a comme un melting pot, c'est-à-dire si vous êtes indécis sur définir votre prochaine lecture. Est-ce que je veux du polar? Est-ce que je veux quelque chose de romantique? Je le sais pas. Eh bien, avec ce package-là, on va pouvoir peut-être trouver une voie. En effet, c'est les éditions Michel Lafon, le lot numéro 17, qui propose une sélection de 5 livres. Vraiment, c'est diversifié au niveau des ouvrages qui sont offerts dans ce pack-là. Ok, très bien. À découvrir donc en plus de détails sur le site de CKRL, bien sûr. C'est le lot numéro 17, celui-ci. Et puis enfin, on va s'adresser aux gourmands, puisqu'on est au cœur du déjeuner avec le Château Frontenac. On va faire un petit détour cette fois-ci dans un univers particulier, cette conserverie de quartier. Loli, tu peux nous en dire un petit peu plus? Je sais que tu as creusé le sujet avec beaucoup d'intérêt. Alors oui, j'ai découvert quelque chose de nouveau ce matin. Ouais. C'est un couple, en fait, qui a fondé une compagnie avec différentes conserves. Et je lisais ce qui était inclus dans le lot de 25 spécialités. Et franchement, ça a l'air très, très bon. J'arriverais même pas à décider ce que je voudrais ouvrir en premier comme conserve. As-tu vu, toi, Michel, si quelque chose qui t'intéressait ou t'as pas eu le temps de te plonger dedans? J'ai pas eu le temps de me plonger dedans, mais je vais regarder, c'est certain, parce que ça semble

Un peu avant ça, je pense. Bon, mettons 2018. Ouais, mettons. Puis, l'application, c'est ça, s'appelle Vampire. C'est vraiment un Tinder pour musiciens. Donc, l'objectif, c'est par exemple, moi, j'étais chanteuse, j'étais à la recherche de guitaristes, par exemple. Puis, Frank était guitariste et cherchait une chanteuse. On a eu un match. Wow! Puis, ça existe vraiment. Ben oui, puis ça marche! À la preuve. Fait que, ouais, on s'est trouvés là, puis depuis ce temps-là, on s'est jamais lâché. Fait que, comme quoi, les astres étaient bien alignés. Vraiment. Puis vous êtes tous les deux à Québec, donc c'est vraiment comme Tinder, là, avec la distance et tout ça qui est calculé. Exactement, voilà. Est-ce que, Chanel, toi, quand t'as commencé à travailler avec Franck, vous étiez sur la même longueur d'onde pour le style musical après? Parce que ça, j'imagine, ça se définit au fur et à mesure des jams. Tout le temps. Ah ouais? Non, avec Frank, il y a comme vraiment quelque chose de spécial. Frank, c'est vraiment un musicien que je respecte beaucoup. Puis, c'est toujours la première personne qui va entendre les premières ébauches. On se regarde, puis on sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Il n'y a comme pas d'ambiguïté. Je pense qu'on est vraiment complémentaires sur nos idées. Puis, Oui, totalement. C'est bien, l'approbation. Et Franck, pourtant, tu joues avec d'autres groupes à Québec, comme Ombre, comme Rusty Jazz Motor Funk aussi. C'est des styles. Ben, Ombre se rapproche peut-être un peu de Winter Glow, mais Rusty, c'est tout est écrit dans le nom, là, Motor Funk. Ouais. C'est plus dynamique, on va dire. Ben, quand les gars m'ont demandé pour embarquer dans leur band, Rusty Jazz, parce que Rusty Jazz, c'est un band qui est établi depuis 2007, je crois. Ce qu'ils m'ont dit pour me convaincre, en fait, j'ai demandé, OK, ouais, je peux peut-être embarquer dans votre band, mais c'est quoi le style? Puis là, Rusty, le drummer, m'a comme regardé, ah, il n'y a pas de style. Fait, moi, c'est tout de suite ça qui m'a accroché, parce que dans l'art, je crois qu'il ne faut pas avoir de limite. Puis c'est vraiment un band dans lequel on peut vraiment aller loin là, dans la musique, peu importe le style, que ce soit funk, électro... musique plus années 80, on fait vraiment des... on va loin, tu sais, dans cette musique-là. Puis c'est de la musique instrumentale. Mm. Moi, c'est ce que je préfère souvent, là, jouer, parce que je peux faire plus des solos, des choses comme ça. Je peux un peu plus aller loin, justement. Fait que, ouais, c'est un peu ça, Rusty Jazz. C'est vraiment éclaté, là, comme musique. Donc, un projet très différent de Winter Glow qui vous permet de vous épanouir musicalement. Chanel, ta voix marque les esprits la première fois qu'on l'entend, c'est sûr. On ne peut pas s'empêcher de te comparer à Dolores des Cranberries. On me l'a encore redit ce matin. L'univers de Ghostly Kisses aussi. Ta voix, c'est ce que on la travaille. T'sais, comment ça se passe quand on découvre qu'on a cette voix si particulière? Ben, c'est une bonne question. quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai commencé avec des cours de piano. Puis, un an après, j'ai fait, j'aimerais ça m'accompagner. Fait que j'ai eu des cours de chant pendant 6 ans. Puis après ça, il y a comme, comment je peux dire ça? Ça fait, j'ai arrêté les cours de chant en secondaire 5. Fait que ça fait déjà un bon petit moment. Je pense. Oui. Fait que, je sais pas, je pense que c'est au, avec les influences, on met ça tout ensemble, puis comment dire, avec l'âge aussi, quand même, ça finit par se placer, on explore, puis j'ai envie de dire, ça sort tout seul. j'ai envie d'ajouter que pour Chanel, c'est vraiment quelque chose qui est naturel, tu sais. Moi, quand on s'est rencontrés la première fois grâce à l'application, on s'est rencontrés d'abord au Normandin. C'est pas le même contexte qu'aujourd'hui. Exactement, par c'était exemple. Pas la même gastronomie qu'aujourd'hui, vraiment pas. Puis après ça, on est allé chez moi, puis on a fait une couple de covers de genre Cranberries, puis Metric. Puis j'ai tout de suite remarqué que Chanel a une voix vraiment unique. Ben voyons. Ben, faut dire ce qu'il y a. Prends-le. Oui, puis que c'était vraiment naturel pour elle. Fait que là, c'est. Puis en plus, justement, on voulait aller un peu dans la même direction musicalement. Fait que c'est ça. C'est vraiment naturel pour nous deux. Mais sans imiter pour autant, parce que comme la comparaison est inévitable, il faut quand même que votre univers soit bien clair. Je pense particulièrement avec la chanson en français que vous avez fait paraître plus tôt cette année, Le Temps, où là, je trouve que le français vient apporter une touche particulière à votre univers aussi. Pourquoi écrire en français maintenant? Est-ce que c'est Chanel qui écrit tous les textes? J'écris tous les textes. La chanson Le Temps est arrivée dans un contexte particulier parce que je suivais un cours de gestion de carrière à l'Ampli pendant 8 mois de temps. Puis on devait en fait avoir un projet. Puis on avait aussi une bourse de Musique Action. Puis pour justement avoir cette bourse-là, ben on devait créer en français. Puis moi, ça m'a comme poussée justement à aller vers cette direction-là. Puis c'est ce que ça a donné. C'est beau. Alors, je sais qu'il y a des chansons inédites. En fait, vous en avez interprété deux ce matin. Donc, des chansons qui sont encore jamais sorties, que vous avez pu entendre. Et si on veut vous entendre dans un spectacle encore plus complet, ça sera le 12 mai prochain au vieux bureau de poste de Saint-Romuald, sur la rive sud. Oui, et on a aussi le 4 mai aux nuits psychédéliques au Pantoum. C'est vrai. On a un bon mois de mai. De belles occasions. Ouais. On va parler du projet Relève dans quelques secondes. Mmh. Avant ça, bon, je vois que encore une fois, Maxime Hamel de la Pasta Shop Stona se régale avec les planches du bistrot Le Sam. Maxime, musique, ça a quelle place dans la shop là? Est-ce que ça joue beaucoup? La musique joue beaucoup à la shop. C'est vraiment... Bien, évidemment, quand la boutique est ouverte, c'est un peu plus tranquille. Ouais. Mais quand on ferme les portes, on barre les portes, on travaille le soir. Moi, souvent, je travaille le soir, là. Musique au bout, tout le temps. J'ai un répertoire vraiment varié. Moi, c'est le funk, le rock, le rap. années 80, on parlait de Metric, justement, Cranberry. J'adore ça. J'adore tout ce qui est prof, tout ce qui est puissant au niveau des voix, au niveau de la musique. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que la musique, c'est la vie. Hein, puis moi, pour travailler, j'ai besoin de musique vraiment. Là, puis fort. Musique fort, là, je rentre dans ma bulle, puis on produit. Puis, ouais. Est-ce que tu fais une découverte ce matin, alors, avec Winter Glow? Vraiment, je connaissais pas ça, puis c'est surprenant, vraiment, là, beaucoup de talent, la voix, la musique, c'est vraiment, vraiment hot, vraiment. Là. Ajouter aux listes de lecture, alors? Absolument, absolument, oui, vraiment. Comme les pâtes et vice-versa, ben, vraiment. Non, mais tout le monde se découvre, puis comme on a envie d'aller au Sam, on a envie de manger des champignons. Ben oui, on a des moments de création, pour créer, justement, tu sais, pour quelqu'un, faut que je m'inspire, faut que je réfléchisse, tu sais, de la musique comme ça, je trouve que c'est vraiment d'actualité, là, c'est vraiment, ça laisse place, justement, à la créativité, pas se laisser aller dans nos réflexions. C'est vraiment intéressant. Mmh. Merci. J'ai envie de demander à Thomas Amalfitano du Bistro Le Sam. Excusez-moi, je dois vous emprunter un micro. Ben vous avez parlé de cuisine ouverte un peu plus tôt au Bistro Le Sam. Donc, la musique, c'est la musique du resto, finalement. Ouais, c'est ça. Nous, pendant le service, ça va être la musique du resto. Après, pendant la mise en place, souvent, mes cooks qui travaillent avec de la musique. Ah. Ils aiment la musique. Moi aussi, quand je travaille soit de mon côté, parce que je travaille pas forcément tout le temps au même endroit que dans le château, parce que le château c'est grand, et j'ai besoin des fois de me mettre un peu tout seul pour faire mes tests, pour faire mes essais et tout ça, je me mets de la musique, c'est certain. J'ai toujours travaillé en musique, j'aime travailler en musique, et je suis un peu comme Max là-dessus, je travaille avec un peu tout comme musique. C'est selon mon humeur du jour, je vais me mettre soit des années 80, soit des années 90. Là, en venant dans la voiture, j'avais du gros rap français. c'était vraiment... C'est varié. C'est très, très varié. Et puis, je rejoins totalement Max dans son approche. C'est qu'un musicien, c'est un artiste, on est d'accord. Un cuisinier, c'est un artiste. Un pastaman, c'est un artiste. On est quelque part tous plus ou moins des artistes dans notre domaine personnel. On est tous des artistes et quelque part, ben, ça aide. Pour créer ces assiettes, créer ces saveurs, j'ai envie de te poser la même question. Ta découverte de ce matin, qu'est-ce que t'en as pensé, musical, Winter Glow? Je sais, c'est gênant. J'haïs ça. Voilà. C'est ce que j'attendais. Non. Ouais, non, les non. Champignons, non, finalement. Non. Allez, on s'embrouille. Non. Pour vrai, c'est. Je connaissais pas du tout. Et je suis vraiment conquis. Parce que j'aime vraiment le style. Effectivement, j'aime vraiment ta voix. Et vraiment, c'est vraiment cool. Et ça me rappelle beaucoup The Cranberries. On s'entend. Non, moi, j'adore. Honnêtement, j'adore. Vraiment. Merci, c'est gentil. C'est plaisir. Est-ce qu'on peut espérer qu'il joue dans les cuisines du château Frontenac? Bah, ça, il va falloir le demander à William. Ah, bon. Parce que c'est lui qui gère la playlist. mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Vous ririez quoi en écoutant ça, hein? Que ça vous donne envie de cuisiner? Ah ben j'aurais presque il y a presque déjà un plat sur la carte d'été qui pourrait bien aller avec ça, justement, avec ce style là. Et pourquoi je dis que c'est William? Parce que c'est une de ses idées, et ce serait un plat végétarien en plus. Donc c'est sans lactose. Avec du lactose parce qu'on y on irait sur une burrata, donc c'est vraiment quelque chose de lactose à fond là. Mais c'est un plat qui va être plutôt doux, qui va être plutôt à la fin, il va être doux et à la fois intense, un peu comme votre musique justement là. Merci. Ça marche. Accord, mais et musique, on adore. Winterglow, vous faites partie du projet Relève du vieux bureau de poste de Saint-Romuald. Qu'est-ce que c'est exactement, Franck? Oui. Chanel. Je peux répondre. Donc, le vieux bureau de poste, depuis quelques années, font une remise d'une bourse pour un projet Relève, donc des artistes émergents. Puis on a eu la chance cette année d'être récipiendaire de cette bourse-là, donc on est super contents. Puisque cette bourse-là, en fait, ça nous permet d'avoir fait une mise en scène, justement, de travailler ça avec Garance Chartier, personne que j'adore. Puis on a aussi la chance de faire des photos professionnelles avec Agrume Agrume. Donc ce sont toutes des dépenses qui, des fois, ne sont pas prioritaires justement quand on est des artistes émergents. On fait avec les moyens du bord, comme on dit. Mais justement, ça nous a donné un petit oomph de plus. Puis on va jouer le 12 mai pour montrer en œuvre tout ce qu'on a appris justement par Garance. Bravo pour ça. C'est toujours un bon coup de pouce pour propulser une carrière. Tu as parlé des nuits psychédéliques aussi. On vous en souhaite encore plus au fur et à mesure. Oui, on touche du bois, effectivement. Chef Thomas, on finit avec une planche, la fameuse planche où il faut te faire confiance. Je pense que le public t'a pas mal fait confiance. Je vois beaucoup d'assiettes vides autour de nous. Raconte-nous charcuterie, fromage et fruits, c'est important. Ouais. Alors, je vais revenir sur quelque chose que j'ai pas encore expliqué, parce que les planches aussi, elles sont dans le thème du SAM complètement. C'est qu'on essaye d'y aller aussi avec des producteurs locaux sur nos planches de charcuterie, nos fromages, les fruits. C'est un peu plus compliqué en ce moment parce qu'on sort de l'hiver, là, mais Les producteurs locaux ont une place qui est vraiment très importante au SAM pour ça, pour la simple et bonne raison, c'est que si je vous dis comment j'ai rencontré Max, c'est quand même assez spécial. Pas sur une application. Oui. Pas sur une application, mais presque. Oh. C'était via Internet, toujours. Mais non, c'est parce que l'année dernière, ça fait, puis je vais le refaire cette année encore, mais l'année dernière, j'ai participé à un repas de gala au Queen Elizabeth à Montréal pour une fondation que j'apprécie énormément. C'est la fondation Filou. C'est une fondation qui s'occupe des enfants et surtout des parents d'enfants polyhandicapés. Et l'année dernière, du coup, je me suis retrouvé avec ce menu-là. Ça faisait pas très longtemps que j'étais au château. Frédéric m'a dit, écoute, j'ai pas le temps d'y aller, est-ce que tu pourrais y aller à ma place? J'ai dit, ok, pas de problème. Frédéric Cyr, qui est le directeur culinaire, effectivement. Il me dit, écoute, fais-toi un menu là, mais bon, par contre, faut que ton menu il soit prêt dans genre 3 jours là. Faut que tu te dépêches. Je fais ok. Puis je me dis, j'aimerais bien faire une pâte farcie en entrée chaude et tout. Il me dit, pourquoi pas. Il me dit, essaye de trouver des pâtes que tu veux. J'ai cherché sur internet. Et sur internet, j'ai cherché quelque chose de local. Puis là, je tombe sur Max. Je tombe sur Pastashop, Astonam. Je me dis, ah, ça pourrait être cool ça. Je l'appelle, on en discute. Il m'a fait du coup cette fois-ci des rigatoni encore, mais il les a faites plus grosses parce que je voulais les farcir et puis tout, donc il a fallu qu'on se parle un petit peu pour savoir comment est-ce que tu les veux, pour que ça marche comme faut. Donc, dans la démarche du producteur local, elle est vraiment partout, tout le temps, et souvent c'est des tiens, j'aimerais faire ça, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait m'aider? Souvent, c'est on arrive vers ces gens-là en leur demandant plus de l'aide plutôt que tu vas me le faire et puis ça va bien aller. C'est Max, c'est arrivé comme ça. J'ai aussi eu d'autres fournisseurs comme Racine et compagnie, qui sont des deux frères qui travaillent au Saguenay, qui font des légumes lactofermentés. Des légumes lactofermentés, ça existe presque nulle part. Et un jour, ces gars-là, ils ont débarqué au château. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait? J'ai dit, évidemment que ça m'intéresserait. Je les ai embarqués, je les ai mis sur la carte du restaurant, ils étaient full contents. Je les ai mis en relation avec des fournisseurs, des gros fournisseurs de Québec, pour qu'ils puissent vendre leur stock et puis tout. Aujourd'hui, ils en vendent dans tout Québec. Donc c'est vraiment cool pour ça. Et les charcuteries, c'est pareil. Les charcuteries, on va souvent à Charlevoix parce que c'est là qu'il y a le plus grand nombre de producteurs de charcuteries. Là, d'ailleurs, je suis en train pour parler pour travailler avec les charcuteries de Monsieur D, suite au conseil de Max, encore une fois. C'est un réseau, la collaboration. Ben, hein. Oui, et puis c'est un réseau, et puis ça va aussi dans la dynamique du Château Frontenac aujourd'hui. Comme vous le savez, notre directeur culinaire, c'est Frédéric Cyr. Hein, tout le monde connaît son nom dans Québec, tout le monde connaît son nom à Montréal par son père, Renaud Cyr. Il y a même un prix qui a son nom. Et parce que cette personne-là, Renaud Cyr, ça a été le premier, il faut le savoir, ça a été le premier cuisinier au Québec à promouvoir des producteurs locaux. C'est-à-dire qu'avant que Renaud Cyr existe, les producteurs locaux n'étaient absolument jamais connus des restaurants parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire connaître. Aujourd'hui, on progresse là-dedans beaucoup grâce à ce monsieur-là. Donc c'est pour ça qu'au château, c'est quand même assez ancré dans l'ADN de nos restaurants. C'est valable pour moi et au Sam, c'est aussi valable pour le Champlain, c'est aussi valable pour le banquet. On essaye de faire beaucoup de choses comme ça. Donc là, aujourd'hui, toutes les charcuteries que vous avez là, c'est des charcuteries de Charlevoix. Les fromages, ce sont les fromages de Charlevoix. Tout vient du Québec, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le maître mot. Au maximum. Oui, oui, oui. On essaye d'être vraiment le plus précis là-dessus et le plus régulier surtout. Parce que le problème, c'est que souvent, travailler avec des fournisseurs locaux, c'est intéressant, mais ça fait souvent du one-shot. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ah, on a besoin de ça, on le fait. Puis après, le fournisseur, ben, il est oublié parce que ben, on n'en a plus besoin, donc du coup, on ne l'appelle plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à travailler avec François, je continue à travailler avec Max. À la pause tout à l'heure, on discutait d'une nouvelle pâte qu'on pourrait faire cet été. Ouais. Donc c'est toujours en marche finalement. Maxime, pour terminer, donc on peut venir vous visiter, Maxime Hamel, la Pasta Shop Stoneham. Pour les ateliers, c'est quoi la meilleure stratégie pour avoir une place là? Ben là, pour l'instant, comme on disait, c'est complet pour le printemps, ouais. Mais on affiche toujours nos ateliers sur Facebook, notre page Facebook. C'est là qu'on met vraiment nos informations, qu'est-ce qu'on a en boutique, les événements qu'on fait. On surpublie pas sur Facebook, on met vraiment juste qu'est-ce qu'il faut mettre comme information pertinente. Et sinon, oui, vous pouvez venir nous voir à Stoneham. C'est pas à côté, c'est pas loin quand même. Là, mais on fait la vie. C'est une belle petite route à faire. Là, voilà. La nature, on vient voir les montagnes, la nature à Stoneham. On est ouvert du mercredi au samedi. Donc, peut-être juste vérifier les heures d'ouverture avant de passer, parce qu'on est quand même en heure d'ouverture restreinte du mercredi au samedi. Merci beaucoup, merci. Maxime Hamel de Pasta Shop Stoneham. Merci. Winter Glow, vous êtes régalé? Oui. Oui, oui, ils me font oui de la tête, mais c'est pas très radiophonique. On adopte les champignons au prochain menu, Franck. Absolument, à la maison. Oui, oui, dans les bon, omelettes. Exemple. On vous voit le 4 mai aux Nuits Psychédéliques, le 12 mai au Vieux Bureau de Poste de Saint-Romuald. Donc, de la belle route à faire pour découvrir notre région. Oui. Merci d'avoir été là. Merci Winter Glow. Et enfin, merci au bistrot Le Sam, Château Frontenac, qui nous sert ce matin ce déjeuner. Chef Thomas Amalfitano, vous pouvez le saluer dans les cuisines, vous l'aurez compris. On n'hésite pas. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à venir nous parler. On est toujours très content d'avoir des nouveaux clients et encore plus des clients qui viennent interagir avec nous. Et pour les gens de Québec, sachez, en fait, je pense que tout le monde peut s'inscrire, les amis du château. On a un beau rabais sur les services du château Frontenac. On vient, on monte sa carte amis du château, puis je pense que c'est un 20%. C'est ça, oui. Les amis du château, ils ont un 20% de rabais à chaque fois qu'ils viennent au restaurant. Merci beaucoup, chef Thomas Amalfitano, William également à la cuisine. Merci à vous, cher public. C'est Jessica Caleb avec vous pour ce déjeuner. Je cède la place à mon fidèle complice Denis Lelièvre qui vous réserve une table ronde sur le jazz dans quelques instants. Eh bien, soyez généreux pour ce Radioton de CKRL. Puis ici, les VIP, allez vous resservir dans les planches là. Bonne journée. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL.